Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À en croire l'un des intervenants de l'archive que vous allez entendre dans quelques instants, le philosophe Nietzsche aurait été mal compris. Dieu n'est pas mort, mais un certain rapport à la religion s'est effacé. Difficile de donner vraiment tort à cet intervenant quelques décennies plus tard, car les religions, sous toutes leurs formes, se sont bel et bien transformées depuis les débuts de l'époque moderne. Une certaine religiosité très classique a pu s'éteindre, mais une espèce d'inspiration mystique, elle, demeure. Et elle se manifeste d'ailleurs très diversement, du domaine artistique ou même politique, à la sphère religieuse proprement dite. Quelques-uns parmi les plus grands spécialistes de ces questions, de Roger Bastide à Raymond Abellio, nous l'expliquent dans cette émission de 1974. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, religions institutionnelles et traditions religieuses. Les religions historiques d'Occident sont en crise. Dans quelle mesure le retour à la tradition peut-il les transformer ? L'opinion d'un spécialiste, Raymond Abellio. On peut par exemple parler des problèmes de la re-christianisation ou de la déchristianisation du monde moderne. On peut également parler de l'irruption de l'irrationnel qui est dénoncée par les savants, les scientifiques ou par les sociologues. Il est certain que le mouvement du christianisme aujourd'hui, nous parlons pour l'Occident, est évidemment passionnant à étudier, mais nous constatons qu'il y a des thèses contradictoires sur la question, des observations contradictoires. On constate également un mouvement considérable d'intérêt pour ces problèmes de l'astrologie, de la magie, de l'alchimie, etc. Je vous avoue qu'en ce qui me concerne, ce ne sont pas des aspects qui m'intéressent particulièrement. Je les considère comme relativement superficiels. Je dirais même que, en matière de re-christianisation, par exemple, ce qu'on rencontre aujourd'hui dans la jeunesse, notamment dans le mouvement hippie, ou dans les mouvements parallèles à ce mouvement-là, me paraît être là aussi quelque chose qui est significatif, d'accord, mais et qui, en ce qui me concerne, je le répète, ne tire pas de moi un intérêt particulier. J'ai entendu l'autre jour à la télévision un groupe qui s'appelle Les Enfants de Dieu, un groupe de jeunes, n'est-ce pas, qui chantait à la télévision, un peu analogue à ces communautés qu'on rencontre si fréquemment en Californie. Ben, le refrain de leur chanson, qui était répété des dizaines de fois successivement, était « Redevenons bébé pour monter à Dieu ». Eh bien, je regrette, n'est-ce pas, moi, redevenir bébé, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, cela dit, ce qui m'intéresse dans votre problème, c'est au contraire une tentative d'approfondissement du sacré que je constate à l'heure actuelle. Il est certain qu'à l'heure actuelle, nous entrons dans une période tout à fait particulière, tout à fait abrupte d'ailleurs. Je ne dis pas de rénovation du sacré. Le sacré n'a pas à être rénové, il a plutôt à être retrouvé et revécu. Nous entrons dans une période que j'ai appelée de désoccultation de la tradition sacrée. Cela implique bien entendu qu'il faut reconnaître l'existence de cette tradition. Il faut en cerner les contours, il faut essayer d'en retrouver le contenu. Les formulations qui nous en sont parvenues à travers les siècles sont évidemment non pas suspectes, mais surchargées de gloses qui sont elles alors de nature historique, de provenance humaine et non pas sacrée. Et il faut les en débarrasser, il faut donc les débarrasser de toute une gangue de gloses, de surcharges, d'interpolations, d'extrapolations. Et la plupart des textes que nous avons sont évidemment des textes qu'il faut commencer par débroussailler, qu'il faut commencer par, en quelque sorte, laver de tous ces rajouts de l'histoire et de la création humaine. Néanmoins, actuellement, il y a quand même dans le monde une tendance à reconnaître l'existence de cette tradition, de ce tronc commun de tous les mythes, de toutes les religions, de toutes les légendes. Aujourd'hui, quelle est la voie ou quelles sont les voies préférentielles de cette tentative de désoccultation? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord reconnaître ce que la tradition a été et peut-être. Je crois que dans la tradition, il y a eu au départ une révélation, d'après la tradition. Cette révélation, nous sommes, nous, actuellement, des hommes incapables d'en comprendre les moyens, étant donné que les premiers hommes qui ont reçu cet enseignement et qui l'ont traduit dans des documents qui nous sont parvenus plus ou moins intégraux, ces premiers hommes n'étaient pas constitués comme nous, ils étaient doués incontestablement de clairaudience, ils recevaient ça par une voie intérieure, très vraisemblablement. Il y avait des supérieurs inconnus, c'est possible, terrestres ou extraterrestres, c'est un problème qui ne m'intéresse pas parce qu'il est insoluble. Et d'ailleurs, il n'est pas intéressant en soi parce que dans la mesure où vous posez le problème des supérieurs inconnus qui nous ont transmis cet enseignement, qui ont transmis cet enseignement à l'humanité primitive, il faut bien que ces supérieurs aient reçu aussi de quelqu'un. Par conséquent, c'est un problème qui régresse à l'infini, qui ne se pose pas, selon moi, philosophiquement. Il y a eu une révélation par clairaudience, véritablement, comme le peuple juif au pied du Sinaï, quand Moïse recevait les tables de la loi dans les nuages et les flammes du sommet. Il est dit dans l'Ancien Testament, le peuple voyait les sons. Il n'est pas dit entendait, il est dit voyait, dans une sorte de synesthésie, par conséquent, de tous les sens, n'est-ce pas? Donc c'était des êtres qui n'étaient pas comme nous. Nous sommes passés par une évolution progressive, dans un état de séparation de tous les sens, au contraire, qui a introduit chez nous la raison analytique, la raison séparatrice, qui a fait de nous des êtres divisés entre le monde et nous-mêmes, n'est-ce pas bon? Mais cette raison analytique, qui a triomphé en Occident avec Galilée et Descartes, après la Renaissance, cette raison analytique a été un moment dialectique seulement, ça n'a pas été un statut définitif. Elle a provoqué l'énorme expansion de la science expérimentale, mais aujourd'hui, après 3 siècles, nous assistons à l'impasse, n'est-ce pas, à l'obscurcissement de cette raison, ou plus exactement, nous la voyons incapable d'entrer dans le monde qu'elle a elle-même découvert, à l'extrême limite, elle est incapable de rendre compte de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Les dangers de l'aggiornamento, Stanislas Fumet. Il est certain que le christianisme aujourd'hui tend à s'ouvrir au monde, comme disent les gens d'église, et à mon avis c'est très bien, mais il ne faut pas tout de même que ce soit en se détournant de Dieu ou en lui tournant le dos. Or c'est ce qui arrive chez beaucoup de partisans de l'aggiornamento, qui est la conception post-conciliaire en général des choses de l'église, alors là, avec lesquels moi je ne suis pas du tout d'accord. Mais alors, je pense que les artistes qui, eux, ne sont pas dans le sein de l'Église, si vous voulez, eh bien, cherchent tout de même, de manière plus profonde et probablement plus valable, ce que les autres méprisent. Voyez-vous ? Alors, il est évident, par exemple, quelqu'un comme Nietzsche, qui a une telle importance aujourd'hui, qui en avait beaucoup moins il y a 100 ans, Nietzsche nous apprend davantage sur la transcendance de Dieu, même lorsqu'il dit que Dieu est mort, mais les gens comprennent très mal ce qu'il voulait dire par là, que tel ou tel théologien moderne qui a peur de la transcendance, si je dis les gens d'aujourd'hui n'admettent pas ça, c'est une espèce de superstition, et alors ils affaiblissent, ils affadissent effroyablement la doctrine chrétienne. Je ne dis pas que je donne raison aux athées, si vous voulez, plutôt qu'aux chrétiens, mais je regrette que les chrétiens ne soient pas fichus d'aller plus loin que les athées dans leur désir de l'absolu. Qu'est-ce qui, dans le christianisme, répond justement encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui subsiste? Qu'est-ce qui répond à ce sentiment et ce besoin du sacré? Il n'y a presque plus rien. Je crois d'ailleurs que c'est une époque de transition où on n'arrive pas à mettre les choses en place. Mais du côté des non-croyants, l'absolu est quelque chose dont on n'a plus besoin, si vous voulez, que parmi les croyants fatigués. Au fond, je trouve que les chrétiens modernes sont des croyants fatigués. Tandis que les autres arrivent avec une espèce de vivacité, pas tellement de dynamisme, il ne faut pas exagérer, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fatigué, il n'y a pas que les chrétiens. Mais enfin, il y a récemment un livre très remarquable qui est apparu, qui est de René Girard, qui s'appelle « La violence et le sacré ». Eh bien, il renouvelle la question du sacré et apporte des éléments très neufs et très convaincants. Je crois d'ailleurs que ce livre fera son chemin. Donc, il subsiste de toute façon un besoin de transcendance, un besoin de rapport aux choses du sacré. Dans quoi, malgré tout, est-ce que vous pensez qu'il réside encore ? Ah ben si, alors là, vraiment, si vous voulez, chez les contestataires, n'est-ce pas ? Chez les contestataires, lorsqu'ils sont sincères et lorsque, vraiment, ils sont malheureux, ils le sont souvent, ben là, il y a un vide en eux qui réclame de la nourriture. C'est absolument comme des petits oiseaux qui ouvrent leur bec, n'est-ce pas ? Pour qu'on leur introduise de la nourriture spirituelle. Et il n'y a plus personne pour donner cette nourriture spirituelle. Quand je dis personne, j'exagère. Mais enfin, en général, il n'y a plus ceux dont on attendait quelque chose. C'est pour ça qu'on se tourne vers l'Inde et les gourous. Hein, parce qu'on a l'impression que apporte quelque chose qui vient d'en haut. Je crois qu'on se gourre un peu, n'est-ce pas ? Mais en fait, tout de même, c'est intéressant. Et alors, le désarroi de la jeunesse, mais tout de même sympathique, parce que je sens très bien qu'ils ont besoin d'une chose qui existe, mais ils ne vont pas la prendre là où elle est. On pourrait retrouver un sens du sacré ici en Occident et qui viendrait d'une tradition occidentale. C'est ça, qui viendrait d'une tradition occidentale, c'est ça. Sous quelle forme ? Je ne sais pas encore, mais je vois... par exemple, l'histoire américaine, ça me paraît trop niais, si vous voulez. C'est la superstar, Jésus superstar, ça me paraît très niais. Mais c'est quand même une indication. Une indication qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Un Dieu, je ne dis pas des dieux, il y en aura toujours, on les fabrique quand on en veut. Mais le Dieu vrai, le Dieu de la vérité, ce que je l'appelle le Dieu être. Alors celui-là, on ne peut tout de même pas, si l'on réfléchit sincèrement, et avec un certain désir, on ne peut pas ne pas le trouver. Quand mon ami André Frossard nous dit « Dieu existe, je l'ai rencontré », c'est des histoires comme ça qu'on doit trouver maintenant. Voilà le type même, si vous voulez, qui soit une indication de quelqu'un qui ignorait tout de Dieu, qui en quelques minutes a rencontré Dieu, quand il explique pourquoi, personne ne comprend, n'est-ce pas ? Mais c'est un tel fait que jamais, jamais après, il n'a vu les choses autrement qu'il les voit depuis ce jour-là. Ce genre d'expérience, disons, vous pensez qu'il peut exister encore maintenant, malgré, comme vous le disiez tout à l'heure, que la structure finalement sociale, enfin, fait tout, directement ou indirectement, pour nous en éloigner ? Oui, mais je ne crois pas que ça passera par là. Parce qu'il y a encore ce qu'on appelle des conversions. On a eu beaucoup, quand j'étais jeune, conversions intellectuelles, ça a été très important. Mais maintenant, il y a encore des conversions, et elles ne passent pas du tout par les chemins qu'on leur indique. C'est directement Dieu qui les appelle. Le mode de manifestation, alors, vous pensez qu'il est tout à fait différent et qu'il va s'exprimer, s'imposer d'une façon que, finalement, nous ne connaissons pas encore. Oui, et d'une façon nouvelle. La seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que c'est par d'autres voies qu'on reviendra à ce qui, pour moi, est la vérité. Mais alors, pas du tout par... par aucune contrainte. Ça, c'est absolument impossible. Au contraire, c'est la foi libre à laquelle on doit venir tôt ou tard. Ces voies nouvelles, est-ce que vous en avez une idée ? Vous pouvez nous dire comment elles s'annoncent ? Je vois des jeunes gens, garçons ou filles, qui font une découverte, tout d'un coup, sans avoir pensé à Dieu, tout d'un coup, Dieu s'impose à leur esprit, plus qu'à leur cœur. Le cœur, ça vient après, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais à leur esprit, parce qu'il y a un tel besoin d'absolu dans l'âme humaine, qu'il est impossible qu'un jour ou l'autre, ça ne se déclare pas. Et alors c'est de ce côté-là, je crois, que l'on doit marcher, en laissant Dieu absolument libre de nous faire prendre le chemin qu'il veut, et celui-là peut être très différent, mais il doit aboutir à la même solution, qui est de s'abandonner à l'intelligence divine. La religion n'est que l'expression institutionnalisée du sacré. Christophe Baroni. Je crois que la notion de sacré, elle est totalement à distinguer de l'institution ecclésiastique. Que les choses sont ainsi faites que, même si l'on peut respecter sur certains plans les églises, qui sont d'ailleurs très, très diverses, qui présentent des aspects très contradictoires, je me réfère simplement à l'opposition dans l'Ancien Testament entre l'esprit sacerdotal et l'esprit prophétique. En ce sens-là, le Christ apparaît comme un continuateur des prophètes et s'oppose à l'institution ecclésiastique dans la mesure où celle-ci pourrait risquer de tuer l'esprit. Alors, il me semble que aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le sacré va se perdant et n'existera plus à cause d'un monde essentiellement scientifique et technique. Que par ailleurs la religion est de moins en moins pratiquée, on peut dire qu'elle est par une toute petite minorité de notre monde prétendument chrétien, c'est vrai. Seulement, je crois que nous sommes mûrs pour vivre le sacré, non pas réciter des credos. Cela me semble totalement anachronique. C'est ma position personnelle, les credos c'est quelque chose qui n'existera plus, enfin, tôt ou tard. Seulement, dans la mesure où tout l'aspect dogmatique qui se ressent d'ailleurs terriblement du stade atteint par une société, et d'ailleurs les credos ont tendance à être régulièrement anachroniques et en retard sur l'évolution de la société, surtout aujourd'hui, nous pouvons être mûrs pour vivre quelque chose à un niveau extraordinaire. Maintenant, est-ce que c'est intérieur? Est-ce que c'est dans la relation? Peut-être que chaque individu, selon sa structure psychologique, répondra d'une façon ou d'une autre. Et peut-être aussi selon la phase de sa vie, selon son orientation personnelle. Personnellement, bien sûr, je ne suis pas un homme de religion, je ne suis pas ni un ermite, ni un prêtre, ni un moine. Et pour moi, le sacré est indissociable de l'amour, mais de l'amour entendu dans un certain sens. Remarquez que je ne suis pas tellement loin de la religion elle-même, entendu dans un sens non dogmatique et non institutionnel, puisque le mot religion lui-même, on trouve l'idée de relier, n'est-ce pas, et qu'il y a un lien, et que précisément, nous tombons là sur un problème extraordinaire, que l'être humain est ainsi fait que il est habité par une espèce de soif inextinguible, à mon avis, que les objets que son désir fait surgir sur sa trajectoire généralement ne peuvent le satisfaire. En ce sens-là, Don Juan peut apparaître, malgré son aspect psychopathologique, comme un révélateur de notre condition humaine, en ce sens que les objets, si prestigieux qu'ils puissent être, qui surgissent sur la trajectoire du désir de Don Juan, ne peuvent le satisfaire, n'est-ce pas, et qu'il rebondit toujours au-delà. Et la même chose lorsque des biens matériels, la fortune, la gloire, et quoi, je sais quoi encore, sont obtenus. Or, scientifiquement maintenant, nous sommes mûrs pour nous rendre compte que, de toute façon, tous ces biens matériels sont totalement dérisoires. Plus que jamais, nous pouvons mieux que jamais sentir à quel point nous ne sommes rien dans le cosmos. Et le silence des espaces infinis, au sens de Pascal. Et alors, à ce moment-là, et sur ce fond de néant, et d'absurde, il me semble qu'on peut être mûr pour une sorte de découverte de la dimension de notre désir, et dans un climat d'ailleurs relativement tragique, je crois, découvrir à quel point nous avons besoin d'être reliés, et reliés à l'autre. Et là, nous débouchons, je crois, sur l'amour, qui est indissociable du sacré. Oui, alors vous le dites très justement, indissociable du sacré. Or, nous voyons dans toutes les peuplades, dans toutes les civilisations, un certain nombre de rites sacralisés ou sacralisateurs, n'est-ce pas, qui, avec ou sans Dieu, permettent aux êtres de franchir des paliers dans la société et vis-à-vis d'eux-mêmes. Oui. C'est une constante. Oui, il y a toutes sortes de rites, en effet. Certains, d'ailleurs, relèvent carrément de la névrose obsessionnelle collective que Freud a pu dénoncer dans son analyse de la religion en tant que névrose obsessionnelle collective, des rites qui apaisent la culpabilité. D'autres rites, en effet, sont plutôt vécus comme des rites d'initiation. Mais là encore, il me semble qu'aujourd'hui, nous pouvons dépasser, ou nous devrions pouvoir dépasser ces conceptions qui scientifiquement ne reposent sur rien, et que c'est justement dans la mesure où nous essayons d'appréhender la réalité par la science, et une science qui nous révèle déjà notre ignorance, et en même temps à quel point surgissent les points d'interrogation et l'immensité non seulement du cosmos, mais tous les problèmes invraisemblables qui actuellement surgissent à la pointe même de la recherche scientifique et physique nucléaire et tout ce qu'on voudra, eh bien, c'est là qu'il peut y avoir, me semble-t-il, une notion vécue du sacré, mais qui n'a plus rien à voir avec ces rites et ces choses-là qui eux-mêmes me paraissent déjà anachroniques. Redécouverte du sacré sauvage, Roger Bastide. Eh bien, il y a deux formes de sacré, me semble-t-il. Le sacré qui est domestiqué par les églises, quelles qu'elles soient, et puis le sacré qui est antérieur, en quelque sorte, à sa prise de possession par des institutions. Et c'est cette seconde forme de sacré, celui que j'appellerais le sacré instituant, si vous voulez, et non pas institué, que j'appelle le sacré sauvage. Dans quelle forme l'avez-vous observé personnellement dans vos recherches, principalement au Brésil, je crois? Au Brésil, le sacré sauvage existe sous diverses formes. Mais la forme la plus extraordinaire, pourrait-on dire, c'est que lorsque quelqu'un qui va dans un candomblé, je ne sais pas si le terme est bien connu ici, c'est-à-dire dans une cérémonie religieuse afro-brésilienne, en entendant les tambours, cette personne, brusquement, s'écroule sur le sol, en état presque cataleptique ou en une crise qui ressemble à une crise d'hystérie. On dit qu'il est possédé par un dieu sauvage, un dieu qui n'a pas encore été baptisé. Souvent des gens malades, mais aussi, la plupart du temps, des gens en bonne santé, mais qui reçoivent cet appel. La crise est spectaculaire. Immédiatement, on prend cette personne, on la fait rentrer à l'intérieur de la confrérie religieuse, et on va l'initier. D'abord, on va essayer de savoir quel est le dieu qu'il possède, d'où il vient, s'il est africain, s'il est indien, etc. Puis on l'initie de façon à ce que cette personne rentre dans la confrérie comme membre. On l'appelle alors une épouse des dieux. Eh bien, l'initiation consiste à domestiquer justement ce sacré. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on aura lié en quelque sorte, par des réflexes conditionnels, la transe à certaines musiques ou à certains pas de danse, la personne retombera en transe, mais ce seront des transes légères par rapport à la transe sauvage qu'elle a eue, et ce seront des transes qui seront en harmonie avec la volonté de la communauté. Elles seront contrôlées du commencement jusqu'à la fin par la société. Et au lieu de ne servir à rien, elles serviront en quelque sorte à affirmer la solidarité des nègres entre eux et la solidarité du groupe nègre avec la nature extérieure, avec le vent, avec l'eau, etc., de façon à ce que la nature obéisse aussi, si vous voulez, à l'appel du religieux. Témoignage vécu sur la permanence du sacré dans une religion institutionnelle, l'abbé Yves Poulain, vicaire à Sainte-Jeanne-d'Arc, une paroisse de Montréal. Ça fait 6 ans que je suis là. Disons que la première année, j'ai regardé surtout la paroisse, quoique je connaissais déjà le milieu parce que j'y avais toujours vécu. Et au bout d'un an, nous avons vraiment opté pour une rénovation liturgique assez importante, là, de façon à essayer de tenir compte des éléments qu'apportait la constitution conciliaire, mais aussi en tenant compte des besoins des gens. Les spécialistes dans la liturgie sont portés aujourd'hui un peu à constater une espèce d'échec dans le renouveau liturgique, disant par exemple au niveau de la traduction de la langue vernaculaire, de la langue profane dans la liturgie, que ça peut avoir un effet d'évacuation du mystère. C'est vrai que ça a une évacuation à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent de cette évacuation-là. Mais je pense que on peut pas faire autrement que de s'en aller vers une vérité de langage, même si on y enlève un mystère. Je pense que la religion, c'est pas un mystère, et le Christ n'a pas voulu que ce soit un mystère. Il a voulu que ce soit à la portée des gens. Alors, on n'a pas, nous autres, à essayer de charrier un mystère qui n'existe pas. On a simplement essayé de traduire pour les gens le message de Jésus-Christ. Est-ce que cette réaction-là, ou cette espèce de nostalgie du mystère et du grégorien et du latin qu'on ne comprenait pas trop, est-ce que ça s'est rencontré uniquement chez les plus âgés? Je ne crois pas. Je pense que même chez des gens qui ne sont pas très vieux, on aurait besoin encore de ce mystère-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup vont aller vers d'autres sectes religieuses qui ont voulu garder ce mystère-là. Les swamis hindous et, voilà. Et l'astrologie. C'est ça, tout ça en fait montre que la religion catholique ne répond plus à ce besoin de mystère que l'homme a. Et est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est à la religion catholique de répondre à ça? Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut. C'était « Religions institutionnelles et traditions religieuses », une émission de Marcel Kroes avec des témoignages de Raymond Abellio, Stanislas Fumet, Christophe Barouni, Roger Bastide et l'abbé Yves Poulain. Collaboration Marie-Claude Leburg, Jean Rizer-Nadal et Jean Rocroy. Réalisation Geneviève Thiriard. « Aspects du sacré dans le monde moderne » est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la deuxième d'une série de 8, première diffusion sur France Culture le 6 juillet 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Thank you.